que veut-on en faire finalement avec ces quatre pays? C'est une très belle question. Avant d'y arriver, je commencerai. Je veux prolonger la réflexion de Maître Momo tout à l'heure. Quand il a parlé du commandant, de la question des mercenaires, des militaires mercenarisés, n'est-ce pas, qui est un problème sérieux pour celui qu'on présente comme le commandant en chef de l'armée ivoirienne. C'est très grave. La question, le problème, c'est à deux niveaux. Je vois que dans la tradition du mercenariat, quand vous ratez votre mission, en principe, on vous tue. On vous tue. Il y a un problème. Ces militaires-là ne veulent même pas rentrer. Hein. En fait, ils sont en train de demander la solidarité malienne. Je suis très sérieux. Hein. Oui. Ils sont parce qu'ils disent qu'on ben, peut partir comme ça, pour on va nous tuer. Oui. Parce qu'on a raté notre mission. Et on a dit pourquoi on était au Mali. Et on a dit pourquoi on était, on était au Mali. Donc, ça pose un problème pour tous les militaires que, mais aujourd'hui, c'est cela. Des mondes peuvent aussi nous envoyer en mission, mais on peut nous transformer en mercenaires. Voilà. Au cas où la mission rate, qu'est-ce qu'on deviendra? Le malaise, il est profond. Oui. Le malaise, il est profond. Oui. Là, il y a d'abord cette question-là. L'autre question, c'est la mafia des missions onusiennes. C'est-à-dire que les militaires vont dans le front, d'abord, on les transforme en mercenaires, parce qu'un militaire n'est pas un mercenaire, attention. Oui. On transforme des militaires en mercenaires, on fait de l'armée ivoirienne. L'armée ivoirienne et du pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, la couverture d'action de mercenariat le plus vil. Parce qu'il faut faire la part des choses. Une armée de mission spéciale, ça se comprend. Une mission spéciale, ça se fait pour l'honneur de l'armée et pour l'intérêt du pays. Et pour l'intérêt de la paix internationale, qu'on veut élargir. Il n'en est question à aucun point de vue, n'est-ce pas, sur la question de militaires transformés en mercenaires. Il est question d'aller tuer le président Assimi Goïta, détruire le Mali et enfoncer le continent africain davantage. Donc vous voyez donc que c'est clair. On mercenarise des militaires, n'est-ce pas, et on l'honneur d'une armée, l'honneur d'une nation est foulé, c'est-à-dire tellement, d'abord Ouattara, il est habitué à ça, piétiné, foulé, n'est-ce pas, pour des entreprises les plus honteuses, mon cher nous. Parce que l'armée, c'est un métier d'honneur. Oui. Attention, oui. C'est un métier d'honneur. Oui. Mais là, c'est plus d'honneur qu'il s'agit. On mercenarise une armée. Donc, d'autres métiers disent que, bon, demain, le fameux commandant en chef peut nous embarquer dans une affaire de mercenariat. Oui. N'est-ce pas? Et si ça rate, on est mort. Oui. Deuxièmement, comme je disais, il y a l'affaire de la mafia, les missions onusiennes. C'est-à-dire, on transforme les militaires en mercenaires. Oui. Ils vont au front à leur risque et péril. Mais s'ils veulent 500 000, on leur donne 50 000. L'argent va où? Les frères des présidents, qui ne sont pas militaires, qui ne prennent aucun risque, gèrent les milliards de missions. Oui. Oui. C'est grave. Oui. Les gars n'ont même pas le un dixième un centième de l'argent qu'ils travaillent et dont ils servent de justificatif. C'est-à-dire que ce sont les frères des présidents. Les familles des présidents, les petits frères de tel, qui s'assoient et partagent l'argent et renvoient une partie à M. Guterres. Sinon, pourquoi Guterres est si mouillé dans cette affaire? Posez-vous la question. Pourquoi il est mouillé là-dedans? Il mange dedans. Son administration dit que sont les mercenaires. Il vient s'asseoir pour dire que non, libérez-les. Ce sont des otages. Où est la dignité du secrétaire général de l'ONU? Où est l'honneur de l'ONU dans cette affaire? Maintenant, la question du commandant en chef. Il y a un pouvoir en Côte d'Ivoire. Il est Ouattara commandant en chef de quoi? C'est un faux commandant en chef. Le vrai patron de l'armée ivoirienne, c'est pas Ouattara. Ce sont ses parrains. Oui. Aussi. C'est un esclave qui a la propriété des parrains que nous connaissons tous, non? Oui. Voilà. C'est que bon, il est seulement un esclave de maison. Il dort à côté du maître blanc. Il porte les habits du maître blanc. Il peut jouer avec les avantages qui consistent dans la maison du maître blanc. Mais est-ce que il est commandant en chef, c'est trop d'honneur que vous lui faites. Il n'est pas commandant en chef, c'est comme si l'armée ivoirienne, la Côte d'Ivoire avait une armée. L'armée de la Côte d'Ivoire, vous le savez très bien, c'est une auberge espagnole. J'ai appelé ça armée espagnole. C'est une armée espagnole. Vous y avez tout et tout et tout. Les vrais militaires ivoiriens qui m'excusent, ils savent le respect que moi j'ai pour eux. Les vrais militaires. Mais ils comprennent très bien ce qu'ils sont en train de dire. Oui. Ils sont en train de dire. Oui. Donc, l'armée ivoirienne est devenue une espèce de sous-agent des programmes impérialistes, n'est-ce pas, franco-américains, de l'Occident pour détruire le continent africain. C'est cela qu'il s'agit. Quand il finit de dire ça, maintenant, je réponds à votre question. Il faut analyser pour ce qui se passe, pour comprendre le déploiement de la, de la, de la sous-secrétaire nazi qu'on nous a envoyé. Nous, là. Le cœur de la géopolitique américaine, c'est la doctrine Mackinder. La doctrine Mackinder dit que l'Amérique doit tout faire pour dominer l'Asie, l'Eurasie. Et ayant dominé l'Eurasie, l'Amérique va dominer le monde pour toujours. C'est le cœur de la doctrine géopolitique américaine. Vous voyez le déploiement des États-Unis, par exemple, dans ce qu'on appelle l'Eurasie, avec les bases militaires partout. La question de Taïwan, tout ça, elle crée des blocs, n'est-ce pas, en Asie, caucus, le Q4, des trucs comme ça, pour justement appliquer, n'est-ce pas, cette doctrine de Mackinder. Mais les recompositions de la géopolitique mondiale, maître, pour ça, Bellec, mettent ce plan-là en péril. Vous n'êtes pas en train de voir ça? Oui. Ça met ça en péril. Oui. Les développements en Ukraine sont là pour nous parler. Oui. Dans un monde qui se multipolarise, parce que c'était clair, on est dans un monde multipolaire. C'est terminé. Ah non, c'est clair. C'est fini. Non seulement l'Amérique a une dette, elle est surendettée. Elle est surendettée. Une dette qu'elle n'a pas envie de payer. Mais le risque, c'est quoi? C'est que les Chinois décident, bon, ok, ils ont mis toute notre attention, ils vont se faire en gamme. Et ça va arriver. On y est déjà. Donc, le monde multipolaire est en train de se faire dans un contexte où une puissance comme les États-Unis ne peut demeurer États-Unis que si elle impose un monde unipolaire. C'est-à-dire que le complexe américain, le complexe militaire, industriel, financier américain ne peut tenir que si l'Amérique est la seule puissance mondiale, la seule hyperpuissance. Fabrice Dom, c'est fini. Oui. C'est fini. Donc, cette situation de fait signe la fin de la domination américaine. Ça ne vous dit rien? Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Les Américains, donc, pour anticiper, faites attention, vont vouloir faire de l'Afrique leur basse-cour. Exact. C'est pour ça que les Américains vont chasser les Français. C'est-à-dire qu'ils vont finir la sous-traitance et ils vont achever l'Union européenne. Oui. Tout à l'heure, tu l'as dit. Oui. Mais tu es gentil. T'as dit qu'il faut, parler de l'Union européenne. Est-ce que vous savez que nous sommes mieux que l'Union européenne? Nous sommes mieux que les Européens. Oui. Alors, moi, je vous dis. Oui. Voilà une soi-disant puissance où l'Amérique pose un acte de guerre en sabotant les oléoducs. Oui. C'est l'Amérique qui a saboté les oléoducs. Ce sont les États-Unis. C'est connu. Mais moi, je vous pose une question. Dis-moi pourquoi aucun officiel européen ne peut ouvrir la bouche. Oui. Personne. C'est-à-dire qu'un pays vient saboter délibérément les infrastructures stratégiques qui vous donnent le gaz. Gaz. Et moins cher. Pour remplacer ça par un gaz 10 fois cher. Polluant. Ouais. Et en passant, détruire du ciel allemand. Ouais. Mais les pays européens ont une situation économique catastrophique. Et de dépendance. De dépendance. Tu as dit que de dépendance. D'esclavage. Ouais, d'esclavage. Mais dites-moi, aucun dirigeant européen, alors qu'ils prétendent tous être démocratiquement élus par le peuple, nous passe sa bouche. Autrement dit, donc, les gens sont démocratiquement élus, maître, ouais, pour aller vendre leur pays aux États-Unis. États-Unis. Pour ne pas être à mesure de défendre les intérêts de leur peuple. C'est-à-dire que Olaf Scholz, ce petit mondialiste qui est en Allemagne, est démocratiquement élu. Hein. Oui. Mais il n'est pas à mesure de dire aux Allemands que ce sont les États-Unis qui ont détruit nos infrastructures énergétiques. Oui. C'est quelle démocratie, ça? Pourquoi Olaf Scholz ne parle pas? Pourquoi le Tintin de l'Elysée, si prompt à dénoncer l'impérialisme russe dans sa tête, parce que quand il dort, comme on l'a accueilli à la longue table, en le mettant à sa vraie place, c'est-à-dire un vaurien, il passe le temps matin, midi, soir, à vouloir créer les 15 vélis diplomatiques partout où il passe, attaquant la Russie. Il vient chez Pétain de visite, on le sait contenter de la visite avec toi. Il faut qu'on attaque la Russie. Là, il commence à attaquer la Russie. Tu lui as rien dit, hein? Ouais. Il oublie qu'il est chez quelqu'un. Mais pourquoi M. Macron ne dénonce pas l'acte de guerre que les USA viennent de poser contre l'Union européenne en sabotant les oléoducs? L'acte de guerre que l'Amérique vient de déclarer à la France, puisque la France est dans l'entreprise qui gère cette affaire. Ouais. La France, l'Allemagne, ils sont là-dedans. Ursula von der Leyen ne dit rien, l'Union européenne. C'est une sorcière. Oui. C'est une sorcière. C'est celle-là même. Le cas encore grave pour montrer la putréfaction de la situation de l'Union européenne en général et des Européens en particulier. Ouais. Ursula von der Leyen, une fossée est née. Ouais. Elle est née dans le faux. Son CV est faux. Tout ce qu'elle fait est faux. On l'a pourchassée en Allemagne pour détournement d'argent. Corruption. Tout et tout. En grand mec, elle a déporté. L'a ramassée comme ça. Elle l'a placée dans l'Union européenne. Comme l'Union européenne, c'est une poubelle. Ouais. Elle dit que la racaille allemande, on prend ça, elle devient présidente de l'Union européenne. Si vous rendez compte, elle dit la poubelle allemande, ouais, la racaille, devient présidente de l'Union européenne. On l'a imposée. C'est ce qu'elle a fait. Ouais. Elle a signé les contrats records de faux vaccins. En s'assurant que les parties du contrat qui parlent, n'est-ce pas, du vaccin, du prix, soient rayées, c'est-à-dire noircies, oui, noircies partout, et en s'assurant que les films pharmaceutiques ne soient responsables de rien. Rien. Et en transformant un faux vaccin en vaccin, oui, on a vacciné les Européens, on les a surdosés. ils sont des morts en sursis. Mais où cela von der Leyen est toujours président de l'Union européenne. C'est-à-dire que les Européens ont voté Ursula von der Leyen. Oui. Von der Leyen. C'est ce qu'est la démocratie, ça. C'est ça. Où les gens votent leur ennemi pour les diriger. Oui. Curieusement, c'est ça. Mais, Fabrice Dom, dites-moi pourquoi les Européens ne dénoncent pas l'acte de guerre que les Américains viennent de poser en sabotant les oléoducs et ils font la guerre à Poutine en Ukraine. Pourtant, tous le connaissent. Tous savent d'ailleurs qui est responsable. Ce n'est plus un débat. C'est ça. L'Amérique, c'est un État hyper terroriste. L'Amérique vit par terrorisme au nom d'État. C'est un État voyou terroriste, c'est connu dans le monde entier. Les dirigeants américains sont des terroristes, c'est connu dans le monde entier. Oui. Dites-moi comment les gens vont aller libérer l'Ukraine, n'arrivent pas à libérer leur territoire. Je répète. Oui. Comment l'Union européenne, ils s'agissent comme des cabris. Oui. Ils sont là, font de l'air, avec ses pantalons sautés. Elle sautille matin, midi, soir, comme ça. On va sauver l'Ukraine. Mais comment vous n'arrivez pas à vous protéger des Américains? Vous n'arrivez même pas à dénoncer l'acte de guerre. Oui. Dit, quelqu'un tire sur vous en plein jour. Oui. Vous dites qu'il n'a pas tiré sur vous. C'est pas lui qui a tiré. Oui. Non, c'est pas une balle. C'est un jet d'eau qui est passé. Ouais. Et voilà les gens qui parlent de démocratie. Hein. Ouais. Ils disent qu'ils vont vous libérer. Ils vont vous développer. Ils veulent des partenariats avec vous. Tu fais un partenariat avec un pareil pays là. Mais toi-même, tu es maudit. C'est tout. Je vous dis, maître, ouais, il faut qu'on demande aux Européens de dénoncer l'acte de guerre qui vient d'être posé contre eux. Contre eux. Oui. Terrorisme sur un ouvrage d'État. Terrorisme international. Ouais. D'État. En plus, acte de guerre. Ouais. Où est Guterres? Personne. Le petit bavard. Ouais. Quand c'est l'Afrique, bavard, il faut aller armer le Niger. Oui. Hein? Petit bavard, Guterres, petit bavard, petit bandit. Pourquoi tu es silencieux sur l'acte de terrorisme international, acte de guerre que les Russes viennent de poser contre l'Union européenne, à mon vision, et contre la France, contre l'Allemagne? Pour eux, c'était que cela. Oui. Vous voyez? Oui. Ils sont plutôt cantonnés dans des questions de leadership. Ils ne parlent pas! Non, silence. Je dis, hein, pourquoi quelqu'un est élu pour défendre son peuple, il est silencieux quand le peuple est menacé? Non, ils ne peuvent rien dire. C'est l'hiver approche, ces gens vont mourir de froid. Oui. Mais on le dit pas aux Allemands et aux Français que les Américains viennent de poser un acte de guerre contre l'Europe. Oui. Ça vous dit rien? Alors, ils ont fini l'Europe. Les Américains, pour affronter la multipolarisation mondiale, ils ne sont pas fous. Oui. Ils sont en train, comme il l'a dit tout à l'heure, de venir reprendre ce qu'ils avaient laissé à certaines personnes sous-traitées, oui, n'est-ce pas, dans le cadre des arrangements post-deuxième guerre mondiale, oui, Yalta. Oui. C'est-à-dire que Yalta, c'était un principe de partage de la puissance. Oui. Tout à fait, président. Après la chute du mur de Berlin, les Américains ont dit c'est fini ça. C'est terminé. On partage plus rien. Remplacement, la mondialisation est devenue l'hyper-domination américaine. Ils ont renforcé ça partout, en imposant les lois dans le commerce, partout. La santé, les finances, l'OMS, l'ONU. Ils ont créé les paradis fiscaux. Ils ont mis sur pied toute une législation et des règles internationales qui font qu'ils sont au-dessus de l'ONU. Ils sont au-dessus de tout le monde. Le conflit ukrainien vient remettre ça en cause. Vous avez l'émergence de la Russie. Vous avez l'émergence de la Chine. Je laisse l'Inde à côté. Oui. Mais il reste quoi? Ouvrez les yeux. Ils vont venir fondre sur l'Afrique. Mais c'est tout. Ils vont fondre sur l'Afrique. Le plan, c'est quoi? Quand on prend ces quatre pays-là, c'est quoi? Oui. Mais c'est de transférer l'Ukraine chez vous. Oui. Mais c'est pas la géopolitique du chaos. Mais c'est clair. Élémentaux. Oui. Les élémentaux, non? Oui. Les élémentaires de la géopolitique. Oui. La géopolitique du chaos. C'est-à-dire qu'il faut créer des problèmes partout. Il faut ukrainiser l'Afrique. Le golfe de Guinée. Il faut ukrainiser le golfe de Guinée. Parce que quand ils vous ukrainisent, ils prennent vos richesses. Oui. On savait bien. C'est clair. Les Américains avaient juré. Biden, le sénile en chef, il a dit qu'ils vont détruire Nord Stream. Il avait dit ça depuis. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est inadmissible pour les États-Unis que les Européens s'entendent avec la Russie. Mais surtout que la puissance industrielle de l'Europe soit adossée sur un partenariat avec la Russie. Oui. Ça, c'est. Ça dit que c'est la fin du monde. Oui. Ils avaient dit qu'ils vont détruire ça. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Les Européens ne disaient rien. Ouais. Excusez-moi, hein. On ne tient pas les couilles. Comme oui. Excuse. Oui. Dit, excusez-moi. Oui. Parlons cru. Non, c'est on ne tient pas les couilles. Des vauriens. Ouais. Les dirigeants européens sont d'authentiques vauriens qui ont vendu leur peuple à l'état profond américain, qui est un état profond mondial, qui était et qui est maintenant remis en cause par l'émergence de la Chine et de la Russie dans le cadre du conflit ukrainien. Poutine vous l'a dit l'autre jour à Valdé, il faut bien comprendre ce qui se prépare. Je vais chuter par là. Poutine a fait un discours l'autre jour, le président Poutine a fait un discours l'autre jour à Valdé. Ouais. Valdé, c'est un sommet géopolitique où le président Poutine énonce les priorités de la géopolitique russe. Allez lire ce discours de 19 pages. Allez le lire. Vous allez comprendre pourquoi nous, l'en est là. Ouais. Pourquoi les Américains ne vont plus sous-traiter quelque chose à quelqu'un. Ouais. Ils veulent prendre eux-mêmes. Ouais. Pourquoi les jours qui arrivent, ces Africains ne sont pas légers. Les Américains sont prêts à vous exterminer. Ouais. L'État américain, c'est un État exterminateur. Ouais. Pour prendre l'Amérique, ils ont génocidé les Indiens. Tout à fait. Ils ont construit la démocratie africaine sur l'extermination, l'américaine, sur l'extermination des Noirs. C'est un système qui tue les Noirs. Ouais. Ils l'ont bâti sur l'extermination du monde. Ils créent des guerres partout. Actuellement, ils sont aux abois. Ils veulent ukrainiser le Sahel. Ils veulent ukrainiser le Sahel. Et ils ont dans les mains l'État du Niger. Ils ont Ouattara dans leurs mains. Oui. Propre. Ils veulent prendre le Tchad. Oui. Propre. Ils veulent prendre, mettre la Mauritanie dans leur giron. Dans le giron. Et ils veulent prendre le Burkina Faso. Oui. Moi, je vous réponds directement. C'est de ça qu'il s'agit. Ukrainiser le Sahel, s'installer. À défaut de nous accueillir, on va mettre le chaos partout. Chaos. Et tu as parlé de 3D. Oui. Mais parmi les 3D là, il y a un D qui possède les Africains. Oui, la démocratie. Qui les a envoûtés. Oui, la démocratie. La démocratie. Et quelle démocratie promue par l'État le plus antidémocratique du monde. Du monde, les États-Unis. Ils ne connaissent pas la démocratie, eux. Donc, la version démocratique qu'on veut nous vendre, c'est la démocratie telle que pensée et conçue par l'État le plus antidémocratique du monde. Les États-Unis. C'est-à-dire l'État criminel. Mais comment pouvons-nous réussir? Comment pouvons-nous recevoir une pareille démocratie? Comment même les gens peuvent même mourir pour une telle démocratie? Si vous voyez comment les gens dans les pays, comment ils opèrent et que ça marche, vous avez compris ce qu'on nous réserve. Moi, je termine en disant ceci. Je rejoins ma soeur du Burkina Faso, la princesse du Burkina Faso. Elle a dit qu'il se chatouille. Elle est très gentille, c'est une femme. C'est la masturbation. C'est une malédiction. Les Américains perdent le temps. Ils vont tomber. C'est fini. D'accord. S'ils ne revoient pas totalement leur politique à l'égard de l'Afrique. Ils disent totalement à l'égard de l'Afrique. Ils se sont toujours trompés. L'Amérique sera détruite. Écoutez-moi bien ce que je viens de vous dire. Hein. Mm-hmm. L'Amérique sera détruite. Nous, les panafricanistes, on est en guerre contre les États-Unis. C'est tout. On n'a pas peur des Américains. Ils ne sont rien. C'est tout. Alors, le professeur a dit, c'est un tigre en papier. Et il faut le dire. Ouais. Tous les vrais statistiques le demandent. Si vous commencez à avoir peur des Américains, non. Vous êtes mort. Arrêtez ça. Non. Nous sommes en guerre contre. Nous avons terminé avec la France. Oui. On va s'occuper des États-Unis. Oui. Et ici, là, avec la parole, si. Oui. Donc, s'ils ne changent pas leur politique à l'égard de l'Afrique, oui. S'ils viennent toujours avec leur mentalité yankee, oui. Leur mentalité esclavagiste, ça sera leur cimetière ici. D'accord. Afrique Média. Le monde, c'est nous.